Cette histoire s'est déroulée il n'y a pas très très longtemps, à l'époque des zadistes et des gauchistes. Les véganes étaient mesquins et cruels. Un seul viandard a osé les affronter. Pablo. Pablo possédait une mauvaise foi que le monde ne connaissait pas. Mais il était poursuivi par la rancœur de son collègue, Guillaume, le tout-puissant roi des véganes. Les opprimés et Gérard Larcher n'étaient plus seuls. Ils avaient enfin un espoir. Pablo. Allez, on y va. David Douillet l'a annoncé hier dans les colonnes du Parisien. Il arrête définitivement sa carrière politique. Mais non ! Merde à la fin ! Pourquoi c'est toujours les meilleurs qui partent en premier ? C'est pas possible, ça ! Avec David Douillet, on avait mis plein de projets, plein d'avenir, un bilan hyper positif. En 9 ans de responsabilité dans les Yvelines, il avait rien fait, ok, mais il avait prévu de faire il avait rien prévu, mais merde, à la fin, il était champion du judo. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais David Douillet, député des Yvelines, ça avait changé pas mal de choses. Eh ouais, Madame Roussel, eh ouais, ça avait changé, ça avait rien changé, mais il aurait pu s'il avait voulu, champion de judo, voilà. Mais pour les autres, quelle après-carrière? Prenez Barack Obama par exemple. Barack Obama, le mec le plus cool du monde avec Alain Gillot Pétré. Ah, ça va, il parle les cumulonimbus comme personne, putain, rip Alain Gillot. Eh bien, Obama, il était président des États-Unis. En théorie, c'est le pic de ta carrière. Derrière, quand tu vas chez Pôle emploi, les gens ont tendance. Ils sont... Je vais pas vous mentir, monsieur Obama, ce que j'ai pour vous, ça va pas être aussi bien que ce que vous avez avant. Honnêtement, vous avez déjà été pion. C'est un peu comme président, mais président d'une cour. Il faut aimer les crachats, quoi. Mais Barack, c'est Barack, et Barack, c'est stylé. Avec son épouse Michelle, ils vont produire des documentaires, des séries et des films pour Netflix dans le but de promouvoir l'empathie entre les peuples. Leur premier film sera une comédie sociale avec Christian Clavier. puis il y aura une série documentaire sur l'engagement politique des frérots de la Vega. Tellement prometteur. Moi, j'aurais aimé pour une fois dans sa vie, Obama fasse un truc pas cool. Tu vois, genre qu'il annonce, voilà, avec ma femme, on va ouvrir un abattoir. C'est la miche qui va éventrer les vaches et les poulets. Moi, je fais les moutons et les animaux rares. Qu'est-ce qu'il y a? Premier vegan qui chouine, je lui envoie les drones. Moi, vraiment, ça aurait été bien pour une fois. La planète est en danger. Le gros con pullule. Il prolifère en étouffant toutes les autres espèces plus sensibles ou plus fragiles sur son passage. Ainsi, le partageant les ressources de manière équitable et responsable pour mieux vivre ensemble se fait littéralement écraser la gueule par le « bah maintenant, ici, c'est chez moi, et puis tout ça, c'est à moi, parce que c'est moi que j'ai la plus grosse bite et que je pisse le plus loin. » C'est pas faux. Alors oui, il reste bien par-ci par-là quelques petits nids de gens qui doutent ou encore quelques terriers d'individus qui font attention aux autres, mais ce sont clairement des espèces en voie d'extinction, comme le dodo. Il était mignon le dodo, et ben il est mort parce qu'il était gentil. Comment on fait pour être recruté à l'école du pitch? Pour être coach à l'école du pitch? Il faut pitcher, le fait qu'on est coach de pitch. Il faut pitcher, mais ça s'apprend. On peut être bon coach en pitch, sans forcément être bon en pitch. Effectivement, des très bons coachs en pitch sont pas forcément les meilleurs en prise de parole, mais ils ont toutes les techniques. Et évidemment, hein, c'est là qu'on reconnaît les vrais coachs en pitch. Moi, j'ai connu des pitchers pas bons coachs en pitch, et des coachs en pitch pas bons pitchers, et inversement, vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, voilà, je vais vous dire, c'est de pire en pitch. Oh là là! Petit peu d'humour d'open space, ça fait pas de mal. S'appeler Le Pen et incarner le renouveau en politique, c'est comme d'essayer d'infiltrer les réseaux satanistes quand on s'appelle Kevin Boutin. Désormais, c'est donc Marion Maréchal tout court, si bien qu'au lieu de se focaliser sur le nom de Le Pen, on n'entend plus que Maréchal. Bien joué bébé, parce que le seul Maréchal dont on se souvienne, c'est Pétain, un moustachu de l'époque où les moustachus n'étaient pas à Europe Écologie Les Verts, mais au national-socialisme. Ça donne autant envie d'y aller que quand à la crèche, une dame vient vous voir et vous dit « Bonjour, je suis Josiane Dutroux, la directrice ». Dis que t'étais fière de moi, maman. Est-ce que j'avais un bon comportement? Est-ce que j'étais populaire à l'école? On t'appelait roi cutane, tu sniffais de la colle. Mais non.